fallait un son pour ma maman. Je vais pas mimer mon amour. Ça c'est pour ma mamie, je te connais pas mais je te connais. Ton héritage c'est l'Algérie. Ta fille s'est battue pour nous. Comme toi c'est une battante. Pas bête, t'étais toute seule. Sa vie était sale et papy si seulement tu savais. Elle est le jal dans tes foyers, salement ça fuyait la misère. Seul avec son bébé, il devait même pas avoir biberon. Ma gueule c'est la débrouille et toi tu te plains pour des brutis. Tu vas te noyer dans des bouteilles, espèce d'abruti. Je dis pas de gros mots parce que maman va écouter le son. C'est bien maman qui faisait le marché. Papa je me souviens toi, je me souviens que t'achetais même pas le pain. Et ouais tu crains et t'as pas de train, de toute façon je t'ai jamais vu crâner. À vrai dire je te connais pas, je connais quelques histoires sur toi. Et je t'assure t'as pas assumé tes pensions, on t'a pas assuré. Tous les mois c'était serré mais à maman pour les serrer. Et sérieux j'étais heureux, pas d'euros mais c'est pas grave. Toute l'année c'était la grève et ses deux fils étaient grillés. On voulait te construire plus qu'un palais, on n'est pas comme eux, c'est pas pareil. L'instant présent on l'apprécie, je te précise que c'est précieux. Je suis très précis dans mes récits, j'aime pas réciter de la merde. Mille reines valent pas ma mère, maman se voit pas dans son miroir. Tes fils sont beaux, tes fils sont belles, mais laisse tomber, t'es la plus belle. Fallait un son pour ma maman, prête à dormir dans le palais. Là ceux qui posaient des mandats, quitte ma gueule à s'endetter. Je serai jamais quitte, l'amour se compte pas, mes premiers pas c'est avec maman. Premier cache-cache, papa de mes couches, tous mes caca jusqu'à fleurir. Fallait un son pour ma maman, prête à dormir dans le palais. Là ceux qui posaient des mandats, quitte ma gueule à s'endetter. Je serai jamais quitte, l'amour se compte pas, mes premiers pas c'est avec maman. Premier cache-cache, papa de mes couches, tous mes caca jusqu'à fleurir. J'avais 12 ans, elle m'épatait, pile à l'heure pour le parler. Dès le matin, je la vois partir avec ma grande soeur pour Bendero pour des bêtises. Mais elle s'est battue, elle a jamais lâché le morceau. Puis moi connu, avenue Marceau, il a capté qu'il fallait brasser. Elle sentait les problèmes. À 13 ans, je vendais de la drogue. J'avais brisé le cœur de maman, son bébé a dérapé. Tout le monde peut changer, fallait y croire, maman y a cru. Et grâce à elle, moi crains personne, les hommes oublient pas le passé. Pousse-toi en pas juste à autre chose, et justement fini par lui. Tu peux parler, y'a plus de maton, y'a plus personne pour écouter. Au téléphone, tu peux tout me dire, ça y est, c'est fini les problèmes. Mais pour papa, j'ai toujours seul, t'es qu'un pipeau qui nous a semé. Pendant que ton fils vendait du seum dans le froid, j'essaie de semer les keufs. C'est qu'on savait se faire des kiffs et rêver de nous foutre dans le coffre. Maman des coffres pour l'avocat, mais ce petit qu'on avoue pas. Bonne nouvelle, plus de découvert, plus de marche arrière, plus d'arrivant. Maman, ton fils sort un album, l'année dernière j'étais coursier, constamment je livrais. Dans le froid, j'avais de la drogue dans mon futal. Tout seul au front, je me suis frotté. Depuis tout petit, j'aime me friter. 22 balais, je fais le boulot. Maman, je suis plus fort que papa. Maman, je suis plus fort que papa. Maman, je suis plus fort que papa. Maman, plus fort que papa. Fallait un son pour ma maman. Prête à dormir dans le palais. Là, ceux qui posaient des mandats. Quitte ma gueule à s'endetter. Je serai jamais quitte. L'amour se compte pas. Mes premiers pas, c'est avec maman. Premier cache-cache, papa de mes couches. Tous mes caca jusqu'à fleurir. Fallait un son pour ma maman. Prête à dormir dans le palais. Là, ceux qui posaient des mandats. Quitte ma gueule à s'endetter. Je serai jamais quitte. L'amour se compte pas. Mes premiers pas, c'est avec maman. Premier cache-cache, papa de mes couches. Tous mes caca jusqu'à fleurir. Fallait un son pour ma maman. Prête à dormir dans le palais. Là, ceux qui posaient des mandats. Quitte ma gueule à s'endetter. Je serai jamais quitte. L'amour se compte pas. Mes premiers pas, c'est avec maman. Premier cache-cache, papa de mes couches. Tous mes caca jusqu'à fleurir. Fallait un son pour ma maman. Prête à dormir dans le palais. Là, ceux qui posaient des mandats. Quitte ma gueule à s'endetter. Je serai jamais quitte. L'amour se compte pas. Mes premiers pas, c'est avec maman. Premier cache-cache, papa de mes couches. Tous mes caca jusqu'à fleurir.